Moi, dit la Lorraine, j'ai vu la vengeance partout dans la nature. Les insectes périssent pour satisfaire le besoin de se venger quand on les attaque. Et ces messieurs, dit-elle en montrant le prêtre, ne nous disent-ils pas que Dieu se venge et que sa vengeance dure l'éternité ? Le prêtre jeta sur Lisbeth un regard plein de douceur et lui dit « Vous êtes athée, madame. »« Mais vois donc où j'en suis !» lui dit Valérie. « Et d'où te vient cette gangrène ?» demanda la vieille fille qui resta dans son incrédulité villageoise. « Oh, j'ai reçu de Henri un billet qui ne me laisse aucun doute sur mon sort. Il m'a tuée. Mourir, au moment où je voulais vivre honnêtement, et mourir un objet d'horreur. Lisbeth, abandonne toute idée de vengeance. Sois bonne pour cette famille, à qui j'ai déjà, par un testament, donné tout ce dont la loi me permet de disposer. Va, ma fille, quoique tu sois le seul être aujourd'hui qui ne s'éloigne pas de moi avec horreur. Je t'en supplie, va-t'en, laisse-moi. Je n'ai plus que le temps de me livrer à Dieu. »